Chapitre 33e. Pendant que Mark accompagne Mariette jusqu'à la grille du château, George Leland, seul au salon de Penrose Place, réfléchit de sang-froid au rôle qu'il vient de jouer. La bataille finie, la victoire gagnée, il reconnaît qu'il n'a pas failli à son devoir et que, Dieu merci, Vivien Penrose lui doit la vie. En ce moment, Florence entre et s'écrie « Ni lumière, ni feu, ni dîner. Ah, Major Leland, quelle opinion vous allez avoir de l'hospitalité si vantée du Cornouailles? Quelle ironie du sort! Vous rendez la vie et on vous fait mourir de faim. Il y a un siècle que le dîner est prêt. Mais vu l'état de Vivien, personne n'a sonné la cloche et tout sera froid. Je n'ai pas faim, je vous assure, Florence. Comment va votre beau-frère? De mieux en mieux. Convenez qu'il est providentiel que je sois allé vous chercher. C'est vrai? Mais n'ayant plus rien à faire ici, ma présence devient inutile et je vais retourner à Rockport. » Tout seul, par une nuit noire, sur une route que vous ne connaissez pas. Ce ne sera pas la première fois que je cheminerai seul nuitamment, repartit le major en riant. J'ai souvent dormi sur ma selle. Voilà qui me surprend, s'écria encore Florence. Et vous n'êtes pas tombé. L'excès de la fatigue fait dormir partout. Puis, quand un homme passe la moitié de sa vie à cheval, le cavalier finit par faire partie intégrante de sa monture. Puis-je sonner, Florence, pour demander conseil à mon modeste coursier? Non, je ne vous laisserai pas partir. L'estomac crie en famine. Alors faites-moi du thé, si vous ne voulez pas que je m'endorme. Prenons le thé ensemble comme à Camberwell, voulez-vous? Vous vous rappelez donc encore ces heureux jours suivis de si charmantes soirées? Comment les oublierai-je? S'écria-t-il en soupirant. Voyons, dit-elle en approchant de la cheminée le plateau que Dixon vient d'apporter. Causons gaiement, comme autrefois. Parlez-moi de la guerre des Indes. C'est un sujet qui n'est rien moins que gai, ma pauvre Florence. En revanche, c'est dramatique et intéressant au plus haut degré. Vous avez été blessé à Lucknow. Oui, c'était après l'assaut. J'avais gravi la brèche sous la mitraille infernale des Hindous. Et je commence à croire que mon étoile devait me protéger des balles quand j'étais blessé presque à bout portant par un cipaye. On m'a mis sur un cacolet pour me transporter jusqu'à l'ambulance, et de là à l'hôpital où je suis resté 3 mois. Les médecins m'ont alors conseillé de changer d'air, mais je suis délabré, détraqué pour longtemps, sinon pour toujours. Il faut bien une fin à toute carrière. Ne parlez pas ainsi. Dans 3 mois, vous pourrez retourner dans l'Inde et y faire campagne. Ne chantez pas sitôt victoire, Florence. Elle regarde le major Leland. Son aspect ne lui donne pas confiance. La joue creuse, l'œil enfoncé, le corps affaissé de son interlocuteur font douter à Florence qu'un repos même prolongé puisse le rétablir et lui rendre la force. Tout à l'heure, près du lit de Vivien, la responsabilité qu'avait assumée le major semblait lui avoir rendu une énergie factice, mais ce moment d'excitation passé, il paraît exténué et sa contenance triste saisit Florence de pitié et de pressentiments fâcheux. George Leland se dispose enfin à partir. « Désirez-vous voir Barbara ?» lui demande Florence. « Non pas elle, mais son beau-frère. Quel homme est-il ? » C'est ce qu'on appelle familièrement un brave homme. La phrase est consacrée pour dissimuler l'incapacité de celui de qui on parle. Ce n'est ni un phénix ni un aigle, mais un homme consciencieux avec qui on peut traiter une question délicate. C'est que j'ai affaire avec lui et je compte sur vous, Florence, pour l'en prévenir. « Alors adieu, Major Leland, » dit-elle. « Mais bientôt, j'espère, nous nous retrouverons à Camberwell, dans la pittoresque et riante retraite de la Villa des Roses, où nous serons tous heureux comme des saints dans le ciel. » C'est un doux rêve, dont j'accepte l'augure, pourvu qu'il ne soit pas lui aussi suivi d'un terrible réveil. Florence serre affectueusement la main qui lui est tendue, sans avoir l'air de comprendre ou de partager ce sombre pressentiment. « Par bonheur, dit Florence, voilà Marc que j'aurais peut-être cherché en vain dans le château, et vous allez pouvoir causer tout à l'aise avec lui. Adieu. » Vous avez, paraît-il, quelque chose à me dire ? Demanda Mark au major. Oui, je crois de mon devoir de vous avertir avant de quitter cette maison que je partage les soupçons de votre frère sur la tentative d'empoisonnement dont il a failli être victime. Une certaine veuve, la femme de chambre de votre sœur, m'inspirait les plus fâcheux soupçons, et je crois qu'il est urgent de vous délivrer immédiatement de sa présence. « Rassurez-vous, elle a quitté la maison d'hier soir. Alors je n'ai rien de plus à vous dire. » Mark accompagne le major jusqu'au bas du perron. Il renonce, dit-il, à lui exprimer toute sa reconnaissance, mais il lui offre en retour l'assurance du plus entier dévouement. George Leland, en s'éloignant lentement à travers le brouillard d'une nuit de novembre, rappelle le cavalier de certaines ballades du Nord. Les morts vont vite. Le lendemain, on apporte à Mark une lettre dont l'écriture lui est bien connue. « Si vous voulez me voir encore une fois, lui écrit Mariette, venez demain. C'est la dernière faveur que je vous demanderai jamais. Je vous attends. » Bien que Mark ne songeât pas à ce tête-à-tête sans une terreur indéfinissable, il résolut de répondre à l'appel de Mariette. Il avait bien des choses à régler avec elle, à commencer par la question d'argent. Il voulait l'éloigner à tout prix, et l'existence de Londres est plus dispendieuse qu'à Camelot. Mais par-dessus tout, il voulait soustraire ses fils à l'influence pernicieuse de leur mère en les envoyant à l'étranger. Mark est décidé à partir aussitôt qu'il connaîtra le résultat de la visite des deux médecins. Ceux-ci le rassurent complètement. Vivien a dormi toute la nuit du plus tranquille sommeil. Tout le monde se préoccupe dans la maison de la disparition de Madame Morris. On discute, on commente son caractère, ses habitudes. Sa précipitation à quitter le service de Mademoiselle Penroth excite les soupçons de tous les hôtes du château, à l'exception de Vivien qui soupçonne encore sa femme du plus odieux des crimes et qui voit en elle un démon sous la figure d'un ange. Vivien dresse à peine la parole à Barbara. Elle lui trouve parfois, quand il la regarde, l'œil hagard, mais elle se dit que le temps triomphera d'une maladie et d'un soupçon mal guéri. Elle songe avec reconnaissance au sauveur à qui son mari doit la vie, mais son cœur se serre quand elle pense à la transformation qui s'est accomplie chez George Leland pendant ces années durant lesquelles il a conquis la gloire et perdu la santé. Le brillant officier n'est plus que l'ombre de lui-même, pâli, maigri, un triste sourire erre sur ses lèvres. Il se soutient à peine et cependant, avec quel bonheur ne l'a-t-elle pas revu? Avec quelle joie n'a-t-elle entendu le timbre vibrant de sa voix et rencontré le feu de son regard? Mark entre dans la chambre de Vivien et annonce à Barbara qu'il s'absentera jusqu'au lendemain. « Ne nous abandonnez pas longtemps, je vous en supplie, Mark, lui dit-elle. Je ne puis supporter d'être seul ici tant que je ne verrai pas Vivien me parler, me regarder, me sourire. Je suis si malheureuse quand je me rappelle l'insulte qui m'a percé le cœur. » L'entrée de Dixon interrompt Barbara au moment où Mark lui dit qu'il viendra demain relever ce fidèle serviteur de sa garde. « Comme Barbara est changée, dit Vivien à son frère. « C'est à te veiller qu'elle s'est rendue malade, lui répond Mark, en baissant le rideau du lit, de façon à abriter le malade de la lumière. La porte s'ouvre. Florence paraît et fait signe à Mark de venir lui parler. « Est-ce par erreur que Pepper and Salt a été scellé pour vous et non pour moi ?»« Non, lui répondit-il en regardant par la fenêtre. « C'est moi qui l'ai demandé. Mais demain, si vous voulez, soit. Allons, bonne promenade, bon retour et à demain. « Vous êtes bonne, Florence, de ne pas me garder rancune. »« Non, en vérité, je ne suis pas égoïste à ce point. Adieu, Mark, que Dieu vous garde de tout danger. »